Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Le président Sylvestre Nyabangongane regrette que certaines forces politiques n'aient pas été consultées pour la proposition des articles à retoucher dans la constitution burundaise. En politique également, nous reviendrons sur les réactions du parti UPRONA ainsi que le parti PARENA à propos de la prochaine session du dialogue inter-burundais et d'Arusha qui est prévue pour octobre. Et puis, 301 Burundais répartis en 97 familles qui avaient fui le pays vers la Tanzanie viennent d'arriver ce jeudi sur la frontière burundo-tanzanienne de Gisuru, tous en provenance du camp de Ndunduta de la région de Kigoma en Tanzanie. Et sur la colline Kagwema de la commune Gihanga dans la province de Bubanza, une personne est déjà morte. Trois autres sont dans un état critique à l'hôpital suite à une maladie qui présente des symptômes du choléra, selon l'administration locale. Et dans le reportage du jour, notre reporter nous conduira en province de Ngozi. Ce sera pour nous décrire la vie des enfants en situation de rue dans la ville de Ngozi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le changement ou l'amendement de la Constitution doit intégrer les avis de toutes les forces politiques. L'ancien président Sylvestre Nyabangongane, qui le dit, indique que c'est regrettable que la commission technique chargée de proposer des amendements de la Constitution n'ait pas consulté ses forces. Cependant, il estime que c'est toujours possible d'intégrer leurs avis. Et celui qui peut le faire, c'est le président de la République, avant de soumettre cette loi fondamentale à son approbation. On écoute le président Sylvestre Nyabangongane. Normalement, dans la culture politique burundaise, héritée de l'accord d'Arusha, un dialogue s'impose avec tous ceux qui peuvent être concernés, notamment au niveau des leaders d'opinion, que ce soit des opinions politiques, que ce soit des opinions sociales, que ce soit des opinions civiles ou autres. Mais visiblement, cela n'a pas été fait. Est-ce qu'il y a encore possibilité? Moi, je dirais oui, parce que la commission va remettre son rapport au président de la République. Et c'est le président de la République, qui est également chef du gouvernement, qui va savoir la voie qu'il va emprunter pour les éventuels amendements aux modifications de la Constitution. C'est soit par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc le Parlement, soit par référendum. Il pourrait alors, à ce moment-là, avant de le faire, opter pour une consultation de ces forces qui aujourd'hui se plaignent qu'elles n'ont pas été consultées. Et je pense que cela donnerait suffisamment de poids à la démarche et en réduirait toutes ces sensibilités négatives que nous entendons autour justement de la révision de la Constitution. Bien sûr, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est à celui qui en a les prérogatives constitutionnelles. Selon ce que vous dites, ça signifie que les politiciens qui aujourd'hui se plaignent qu'ils n'ont pas été consultés, il y a toujours pour eux de l'espoir. C'est une analyse que je fais, mais reste à savoir si cela sera fait. Dans tous les cas, si c'est fait, moi je trouve que ça serait à la faveur de tout le monde, particulièrement ceux qui aujourd'hui ont la responsabilité de veiller à la bonne vie de ce pays. Le Burundi. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes renforcé, quand vous êtes sûr qu'une décision que vous allez prendre va recevoir un bon accueil de la part de la très large majorité des protagonistes avec lesquels vous avez ou vous devez travailler. Maintenant, ça c'est un vœu que j'exprime. Attendons et voyons ce qui va se passer, d'autant plus aussi qu'il y a également ce processus de dialogue inter-burundais qui se déroule à Arusha, mais bien sûr aussi avec des participations venant du Burundi, qui peut également être un cadre à travers lequel cette démarche pourrait être menée. C'était le président Sylvestre Nyabangongane qui répondait aux questions de Joseph Nsabiyabandi. Politique toujours avec le parti UPRONA qui demande que les personnalités qui sont concernées par le dialogue initié à Arusha sous la facilitation de Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien, mettent en avant l'intérêt général des Burundais. Ils devraient accepter de faire des concessions selon le porte-parole de ce parti pensien Ndayishimiye. Il s'exprime après que l'ombudsman burundais ait annoncé au terme de son entretien avec le médiateur Benjamin Mkapa en Tanzanie, que le prochain sommet est attendu au mois d'octobre prochain. Pensien Ndayishimiye souhaite que ce dialogue puisse aboutir à un consensus pour que les difficultés que connaissent les Burundais puissent prendre fin. Il a été joint au téléphone par Léonce Vitaliou. Vous observez au Burundi, le Burundi connaît encore pas mal de difficultés. Et regardez les difficultés que connaît notre économie. Regardez les relations diplomatiques avec les autres pays, surtout l'Occident, qui a fait des sanctions contre notre pays. Vous voyez des centaines de milliers de réfugiés burundais qui ont aussi besoin de retourner, de regagner leur pays pour que nous puissions construire ensemble notre cher Afrique. Vous voyez le rétrécissement de l'espace politique et des libertés publiques. Et nous avons besoin alors que les Burundais s'assoient ensemble afin de trouver une solution à tous ces problèmes. Et nous espérons que la prochaine session de dialogue va enfin trouver une solution et mettre fin à un processus qui a trop duré du point de vue de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous dites du caractère inclusif? Il y a le médiateur burundais qui dit que, de toutes les façons, les personnalités poursuivies par la justice burundaise ne devraient pas faire partie de ce dialogue attendu en octobre. La paix n'a pas de prix. Et nous pensons que les parties au dialogue devraient accepter de faire des concessions réciproques. Je souligne que ce n'est pas pour la première fois que les Burundais règlent un conflit dont les parties, certains, sont poursuivis par la justice burundaise et même la justice internationale. Nous pensons donc que les protagonistes, les parties au dialogue inter-burundais, vont se référer aux différents dialogues qui se sont déroulés dans le passé et se référer à des solutions qui ont été trouvées. Ici, je fais référence au processus de dialogue qui a abouti à la signature des accords d'Arusha. Vous savez, pendant ce dialogue, il y avait des personnalités qui étaient poursuivies par la justice et les Burundais ont pu trouver une solution. Et au parti Parena, le parti pour le redressement national, on estime que son nouveau rendez-vous annoncé pour le mois d'octobre n'aboutira pas à grand-chose, aussi longtemps que tous les protagonistes ne seront pas invités, y compris ceux qui sont poursuivis par la justice burundaise, du moins selon le président de ce parti, Zenon Imubona. Il dit que l'exclusion des uns des autres a souvent été à l'origine du retard pour aboutir à un consensus. Ce qui avait empêché que le dialogue démarre réellement, c'était les participants au dialogue. Le gouvernement a toujours posé une condition que si ceux qui sont poursuivis par la justice étaient présents à Arusha, que le gouvernement ne siégera pas. La même observation vient d'être relevée par l'ombudsman burundais. Si cette condition du gouvernement, qui n'est pas nouvelle, a toujours été celle-là, revient, c'est que le dialogue ne reprendra tout simplement. Mais si on vous invitait, vous, est-ce que vous n'allez pas participer? Mais j'ai toujours été là, mais le gouvernement n'a jamais été là. Et le facilitateur, à un certain moment, il a dit que s'il ne parvenait même pas à réunir les protagonistes, qu'il allait remettre son mandat, ce qu'il a même fait, compte tenu du rapport qu'il a adressé au chef d'État de la région, c'est presque ce qu'il a fait. Si ceux qui sont poursuivis par la justice ne sont pas présents dans ce sommet, vous estimez qu'on ne va aboutir à rien? Non, moi je ne conduis pas la facilitation. C'est la facilitation qui, ayant contacté X et Y, a dit que la question des participants posait toujours problème, notamment à cause des mandats d'arrêt internationaux qui étaient dressés contre certains des Burundais. C'est le facilitateur qui a dit que tant que ces mesures ne sont pas levées, il ne va pas convoquer de ce. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le facilitateur qui l'a dit. Donc, à vous entendre, si ceux qui sont poursuivis par la justice burundaises ne sont pas présents à Arusha, vous ne vous attendez à rien. Si le gouvernement n'est pas présent, il n'y aura pas de dialogue parce que le gouvernement, c'est lui qui a la bonne part, les grandes préoccupations à présenter. Si le gouvernement estime qu'il n'y a aucun problème au Burundi, les acteurs vont acter, c'est tout. Zenon Nimobona, c'est le président du Parti pour le redressement national, Parena, au micro de Léonce Vitalio. Il est 13h05 à Bujumbura. L'avenir. 301 Burundais répartis en 97 familles qui avaient fui le pays vers la Tanzanie viennent d'arriver ce jeudi sur la frontière burundo-tanzanienne de Gisuru. Tous sont en provenance du camp de Nduta de la région de Kigoma. 199 d'entre eux sont des ressortissants de la province de Ruyigi et parmi eux, 159 seront temporairement reçus au camp de transit de Gisuru et 102 seront installés au camp de transit de Kajaga en commune de Mutimbuzi. Tous sont rentrés de leur propre volonté, comme l'a fait savoir Emmanuel Maganga, commissaire régional de Kigoma, qui a représenté le gouvernement tanzanien. Et du côté du Burundi, Terence Nairaja, porte-parole du ministère de l'Intérieur, en même temps assistant des ministres, a remercié le gouvernement tanzanien pour son hospitalité. une quarantaine de directeurs d'école vont être destitués de leur poste. Cela fait suite à la correspondance du ministère de l'Intérieur de l'Éducation qui disait qu'un directeur dont l'école n'aura pas 30% lors de l'examen d'État se verra remplacé. Cette correspondance a été sortie au début du troisième trimestre de l'année scolaire écoulée 2016-2017 et le ministère de l'Éducation a indiqué que les directeurs sont les premiers responsables de l'échec ou de la réussite des élèves. Quelles sont ces écoles secondaires qui sont concernées? Alida Ndaïkeza. Ces établissements qui vont changer de directeur se retrouvent dans 11 sur 18 provinces qui composent le pays. La province qui vient en tête, c'est Gitega, avec 7 directeurs qui vont être changés. Les autres provinces qui vont être moins touchées à raison d'un directeur sur chaque établissement, c'est Rutana et la mairie de Bujumbura. Pour la direction provinciale de l'éducation à Muramvya, c'est 6 responsables qui vont être remplacés. Sur cette même liste, les chefs des directions de l'enseignement vont remplacer 5 responsables d'école se trouvant respectivement dans la province de Makamba, Gitega et Bujumbura. À Mwaro, les directeurs qui seront frappés par cette mesure sont au nombre de 3. À côté d'eux, 6 autres chefs d'établissement vont remettre le tablier. Ils sont dans la province de Rumonge, Changuzo et Bubanza. Parmi ces 40 écoles, on retrouve essentiellement les écoles fondamentales et sont au nombre de 26. Les lycées communaux, quant à eux, ils sont 12 et ce n'est qu'une seule école technique qui ne verra pas son directeur être reconduit. Le taux de réussite de ces écoles à l'examen d'État session 2017 est compris entre 7% et 27%. Merci Alida Ndaïkeza. Et deux salles de classe et la direction de l'Ekofo Kawuyenge en commune Gisuru de la province Ruyigi. 4 maisons d'habitation et une autre qui abrite une position militaire ont été détruites ce mercredi par un vent violent qui a emporté leur toiture lors d'une pluie qui s'est abattue sur la colline Kawuyenge. L'administrateur de la dite commune confirme cette information et indique qu'il va solliciter des tôles auprès de l'administration provinciale pour la réfection des salles de classe avant qu'il ne soit tard. Et la mesure de suspension des recrutements en première année à l'école paramédicale de Muyinga repose sur des accusations erronées. C'est l'avis de certains parents et enseignants réclamant à l'autorité compétente de revoir cette mesure. Le directeur de cette école affirme avoir fait un recours auprès du ministère de la Santé. Dieudonné Zeimana pour les détails. Pour certains enseignants et parents à l'école paramédicale de la Komibou à Muyinga, des erreurs se sont glissées dans le rapport de l'inspection faite en juin à cette école. Le recrutement en première année à cette école a été suspendu sur base de ce rapport, faisant état de l'existence de 2 sections dans une école qui n'entretient qu'une seule section, à savoir les infirmiers depuis sa création. Les enseignants prestant à cette école ont un niveau minimum licence, mais l'inspection a cité des enseignants à 2. Certains enseignants laissent croire que leur école a été assimilée à une école privée alors que c'est une école publique sous convention musulmane. L'établissement est invité à recruter du personnel alors que c'est le ministère de la Santé publique qui affecte le personnel à cette école. Salvatore Muzere, directeur de l'école paramédicale de Muyinga, affirme avoir saisi l'autorité compétente pour réclamer la reprise des orientations en première année. 6 promotions d'infirmiers sont déjà passées par cet établissement, premier en examen d'État édition 2015 pour les écoles paramédicales du Burundi, d'après les responsables de l'école. Dieudonné Zeimana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Zeimana. Et certains patients hospitalisés à l'hôpital Prince-Héry Jean-Charles qui sont soignés par bon de soins ne seront plus soignés sur présentation de ce document. Ces patients disent qu'ils ne savent pas ce qui a motivé ces décisions. Ils soupçonnent une incompréhension entre l'hôpital et les employés de ces patients. C'est un reportage de Vianney Ngenakumana. Il est stagiaire à notre station. Les gens Charles disent qu'ils ont appris il y a des jours que les malades utilisant des bons de soins ne seront plus soignés s'ils ne peuvent pas supporter la facture. Écoutez les patients trouvés à l'hôpital. Le problème des patients qui utilisent des bons de commande est député depuis hier. On nous a dit que les bons de commande ne seront pas acceptés depuis hier. Et si on demande des explications, on ne te dit rien. On nous dit que l'hôpital a un problème avec les représentants des sociétés qui nous ont donné ces bons de commande. Ces patients demandent à la direction de l'hôpital de continuer de les soigner en attendant que les mésententes qui seraient entre les sociétés et l'hôpital soient réglées. Et nous demandons à la direction de l'hôpital de nous soigner d'abord et puis de régulariser avec les sociétés qui nous ont donné ces bons de commande. Après, parce qu'on nous a accueillis avec ces bons de commande, nous ne comprenons pas pourquoi ils ont refusé de nous soigner alors qu'ils ont accepté d'entrer ici avec les bons de commande. Au représentant de l'hôpital aurait demandé d'ayez pitié de nous parce que si on demande à quelqu'un qui est venu avec bon de commande de se faire soigner avec de la légère alors qu'il est venu avec son bon de commande, c'est très difficile. La direction de l'hôpital nous a promis de s'exprimer ce vendredi. Et dans la suite de ce journal, les personnes travaillant tout autour de l'endroit où se trouvait le marché central de Bujumbura sont inquiets par le fait que cet endroit est entouré par des immondices de toutes sortes. Certains d'entre eux qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro se lamentent que les travailleurs de la mairie de Bujumbura qui sont chargés de la propriété sont parmi ceux qui déposent ces immondices. Reportage de Florence Ndagira Guigé, stagiaire à notre station. Nous sommes au centre-ville de Bujumbura, plus précisément à l'endroit où se trouvait le marché central. Arrivé à cet endroit, on est accueilli par une odeur nauséabonde suite aux immondices se trouvant tout autour de cet endroit. Ces immondices sont composés entre autres par les sachets, les cartons, les restes de la nourriture et même les déchets humains. Un des commerçants qui travaille tout près de cet endroit du côté communautaire appelé Plaza, se lamente en disant que les travailleurs de la mairie de Bujumbura chargés de la propriété sont parmi ceux qui déposent ces immondices à cet endroit. Il y a des immondices, c'est puant. Nos clients sont gênés et c'est honteux, une situation pareille au centre-ville. Ceux qui déposent ces immondices sont des travailleurs de la mairie de Bujumbura. Pour nous qui travaillons ici, la propriété est bonne, mais pas satisfaisante. Avec la fermeture du marché, les saletés ont diminué parce qu'il y a peu de marchandises. Maintenant, il y a un camion de la mairie qui vient enlever ces immondices 3 fois par semaine. La mauvaise odeur qui s'y trouvait a diminué. Quant à cette femme, cet endroit devrait être ouvert pour qu'il soit nettoyé. Ce qui est bon est que cet endroit soit nettoyé parce que même les passagers déposent des saletés là-bas. Nous demandons d'ouvrir cet endroit afin que... Ces personnes exerçant leurs fonctions tout autour de cet endroit trouvent que leur santé est menacée suite à ces immondices et demandent qu'une solution à ce problème soit trouvée dans l'immédiat. Florence Ndagira-Guigé, stagiaire à notre station. Et les eaux de pluie tombées ce mercredi ont perturbé les travaux en cours pour la réhabilitation des ponts des rivières traversant les zones de Chibitoke et Ngagara, ici à mairie de Bujumbura. Les habitants de ces deux zones demandent que ces travaux soient vite terminés afin que ces ponts soient utilisés comme avant. Les détails avec Evrar Haviarimana, également stagiaire à notre station. Les eaux du pluie de ce mercredi a paralysé les travaux de réhabilitation des ponts du rivière Nyabagere reliant les zones de Chibitoke et Ngagara. Les habitants qui utilisent ces ponts remercient que les choses ont vite réglé. Sur le pont Nyabagere, avec la pluie d'hier, les eaux ont emporté le matériel de construction de ce pont, comme le fer à béton, mais ils ont vite intervenu pour mettre les choses en ordre. Nous espérons que le pont sera praticable très prochainement. Quant aux habitants qui passent sur le pont communément appelé chez Kanyoni, demandent de finir ces travaux avant la saison de pluie. Ces habitants de la zone Ngagara et Chibitoke précisent qu'ils prennent un long trajet pour trouver des bus les amenant dans le centre-ville. À la source, reportage. Je l'avais annoncé dans les titres, plus de 600 enfants sont en situation de rue dans la ville de Ngozi. L'une des causes de ce chiffre élevé reste la pauvreté. L'organisation œuvrant en matière des droits de l'homme, OIDEB, considère que des centres communautaires de prise en charge de tels enfants devraient être mis en place à travers le pays. Le conseiller socioculturel du gouverneur de la province Ngozi promet la mise en place de tels centres en vue d'assurer le suivi de ces jeunes jusque dans leur famille. Alain Désiré Ukayeneza, il a été en Ngozi pour nous, il est de retour. Voici son reportage. Nous sommes tout près du centre communautaire de protection de l'enfance et de prise en charge des enfants de la rue de l'OIDEB dans la ville de Ngozi. Le centre prend en charge ces enfants de diverses manières, y compris celles de divertissement. Thierry Manirariha est devenu orphelin dès sa naissance. Il a pris l'option de vivre dans la rue, faute de famille qui se chargerait de lui. J'habite dans la rue au marché. Je suis dans la rue parce que mes parents sont morts. J'étais encore petit. Après leur mort, je suis parti chez ma grand-mère. Mais j'ai quitté parce que ses fils m'ont maltraité, m'accusant de ne pas travailler alors que c'est faux. Je trouve à manger, mais pas régulièrement. Bera Akimana, par contre, a près de lui ses pères et mère encore en vie, mais n'a pas pour autant pu fréquenter l'école, faute de manuel scolaire. Je m'appelle Akimana Bella. Je n'étudie pas parce que je n'ai pas d'argent pour avoir les frais scolaires. J'ai mes parents, mais mon père est parti au Congo. Je reste avec ma mère. Ma mère n'a pas de moyens pour me payer les frais scolaires. Je suis venue solliciter une aide pour avoir les frais scolaires. La pauvreté dans les ménages constitue principalement la cause du phénomène des enfants en situation de rue dans la province de Ngozi. Le responsable de l'antenne Ngozi de l'OIDEB dit que le centre de protection de l'enfance et de prise en charge des enfants de la rue qu'il dirige a déjà pris en charge 495 enfants en situation de rue. Félix Sindaigaya plaide pour la mise en place de tels centres à travers le pays dans les localités qui connaissent beaucoup plus d'enfants de la rue. Notre centre existe parce qu'il a été évident que dans la ville de Ngozi, il y a beaucoup d'enfants de la rue. Avec l'initiative du gouvernement, on doit prendre une stratégie pour essayer d'approcher tous les enfants qui sont en situation de la rue, parce que ce sont des enfants de la nation qui constituent le Burundi de demain. La province de Ngozi projette mettre en place des centres de prise en charge des enfants en assistant ces enfants dans leur ménage. Le conseiller socio-culturel du gouverneur de la province de Ngozi précise qu'il s'est manifesté que cette entité regorge plus de 600 enfants en situation de rue dans la seule commune de Ngozi. Les chiffres qu'on a recueillis récemment s'élèvent à 608 de la commune de Ngozi. Nous sommes en train de chercher des centres qui vont héberger ces enfants une fois rassemblés. Comme ça, nos partenaires nous avaient promis qu'ils vont donc former ces enfants, réintégrer dans les familles d'origine. Ils seront assistés dans la création des actions génératrices de revenus en passant par les familles qui les auront accueillis. Ezekiel Minani fait savoir que le programme national en charge des enfants de la rue s'est déjà donné comme objectif d'en finir avec le phénomène des enfants de la rue, et cela dans un délai de 3 mois. Alain Désiré Boukeneza, de retour de la province de Ngozi. Il est 13h, bientôt 20 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à Eric Ouimana qui l'a mis en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.